êtes pas la fin. Et en plus, il était allemand. Regarde-toi. Tu es jeune. Alors rien à foutre. On meurt aujourd'hui. Car demain, il sera trop tard. Nous serons frères, car demain il sera trop tard. On est peut-être des surhommes, comme disait Nietzsche. C'est pas la fin. Mais on n'est pas allemand. Alors rien à foutre. On meurt aujourd'hui. Demain il sera trop tard. Comme disait Nietzsche, c'est pas la fin. Si seulement on était jeunes. Alors rien à foutre. On meurt aujourd'hui. Car demain, il sera trop tard. Aujourd'hui, car demain, il sera trop tard. Bah, bah, bah.